ne plus se cacher derrière la complémentarité des tactiques. C'est un texte issu du blog La Nébuleuse, à retrouver sur l'adresse danslanébuleuse.fr. Il a été publié le 13 août 2020. Il est question d'écologie sociale, éthique et politique, de féminisme, de politique. Ces derniers mois, voire années, sur les réseaux sociaux militants, en particulier écolo, mais aussi dans une certaine mesure dans les réseaux féministes, j'ai beaucoup entendu parler de complémentarité des tactiques, parfois dans des contextes qui m'ont laissé perplexe. Souvent comme base à des messages d'encouragement bien intentionnés, tout est ok, tout est bon à prendre, ne vous inquiétez pas. Si je comprends pleinement la volonté d'encourager l'engagement et de combattre le sentiment d'illégitimité, en particulier chez les femmes, je suis en désaccord avec cette façon d'arrondir les angles, qui me semble affaiblir nos perspectives de lutte plus qu'autre chose, en contournant les débats stratégiques. Sans m'engager dans un débat très pointu, j'ai essayé de rassembler ici quelques réflexions autour des questions suivantes. D'où tenons-nous cette certitude que des tactiques ou des modes d'action sont complémentaires? Comment est-ce qu'on l'évalue? À partir de quel moment cette affirmation dérive vers des formes de relativisme, tout se vaut, tout est bon à prendre, qui masquent des arbitrages nécessaires lorsqu'on cherche une action politique efficace? D'où vient l'idée de la complémentarité des tactiques? C'est une question que je me suis posée il y a plusieurs semaines, à force de voir revenir cette expression encore et encore, avec parfois des variantes. J'ai partagé cette interrogation sur Twitter où plusieurs personnes, parmi mes contacts, ont pu m'apporter des éclairages et ont partagé des sources. Je les remercie. L'idée de diversité des tactiques, et pas forcément de complémentarité, semble remonter au contre-sommet de la fin des années 1990, début des années 2000, dans un contexte d'un mouvement altermondialiste fort. Cela renvoie alors à la pluralité de choix tactiques dans le cadre précis de ces mobilisations. Par exemple, une stratégie de désobéissance non violente, une stratégie d'action directe offensive et ou d'affrontement avec les forces de l'ordre, cela dans un cadre spatial et temporaire délimité, c'est-à-dire que même si les ancrages politiques et les objectifs profonds diffèrent, dans ce cadre-là, de cette mobilisation-là, il y a une cible commune et des messages communs. Parmi les recherches et essais qu'on m'a cités, il y a le travail de Francis Dupuy-Déry sur les Black Blocs, l'ethnographie de l'action directe de David Graeber, qui a travaillé sur le Global Justice Movement et les mouvements Occupy, ou encore les écrits de Peter Gerderlos, qui alimente le débat autour de la non-violence, envisageant qu'il n'y ait pas d'exclusion mutuelle nécessaire des stratégies non violentes ou plus radicales, mais critiquant sévèrement la stricte non-violence érigée en dogme. Gelderlos a été traduit tardivement en français et son livre « Comment la non-violence protège l'État » a eu un certain succès dans les milieux militants. Je ne saurais pas estimer avec précision, mais pendant un bon moment, je l'ai vu circuler énormément sur les réseaux sociaux et susciter pas mal de discussions. En remontant le fil à partir de ces indications, il apparaît que la façon dont j'ai vu employer la notion de complémentarité des tactiques s'écarte quelque peu des analyses sur la diversité des modes d'action. Certes, dans le cas des ZAD et de certains mouvements sociaux, on a pu parler aussi de diversité des tactiques, mais avec des observations un peu similaires, manifestations et désobéissances non violentes, grèves et actions directes et affrontements. Mais depuis un an ou deux, je l'ai beaucoup entendu de la part de militants et militantes écolos ou féministes, énoncé comme une règle générale, un principe qui devient universel et non plus une articulation tactique contextuelle. Point de vocabulaire. Stratégie, tactique et répertoire d'action. Qu'est-ce qu'une stratégie? Qu'est-ce qu'une tactique? Personnellement, j'oublie régulièrement. Je suis donc allée réviser un peu sur Wikipédia, surtout. J'ai pas prévu de pondre un traité de stratégie, c'est juste pour avoir quelques points de repère pour la suite. En général, la stratégie va désigner une façon de penser la mobilisation de ressources et d'actions afin d'atteindre un objectif global, souvent à moyen ou long terme, tandis que la tactique renvoie à des enjeux plus délimités dans le temps et plus restreints. La comparaison la plus fréquente, c'est la différence entre chercher à gagner une guerre ou chercher à remporter une bataille. Si on l'applique au mouvement révolutionnaire par exemple, les stratégies politiques vont concerner la lutte contre le capitalisme et les autres systèmes de domination, et comment on pense possible d'établir un rapport de force pour finalement les faire disparaître. Exemple, construire un parti rassemblant toutes et tous les travailleurs et les travailleuses qui pourra s'emparer de l'État lorsqu'il sera assez puissant, ou bien construire des contre-pouvoirs sur la base des différents mouvements d'émancipation qui pourront déboucher sur un double pouvoir et avant de faire basculer la situation. Les choix tactiques vont s'appliquer à une lutte donnée, plus limitée dans le temps et parfois dans l'espace. Un mouvement contre un projet de loi, la bataille contre un employeur, une mobilisation contre un projet destructeur, etc. Les stratégies et tactiques politiques articulent différents répertoires d'action. Pétition, manifestation, lobbying, occupation. Certains modes d'action sont plus fréquemment associés à certaines stratégies et tactiques, tandis que d'autres seront éliminés lorsqu'ils semblent contradictoires avec la stratégie ou la tactique adoptée. En effet, les choix tactiques vont dépendre en partie des choix stratégiques plus globaux, qui se déploient aussi à l'échelle d'une mobilisation donnée, en s'adaptant aux objectifs à court terme. Mais en partie seulement. Parce qu'on peut se retrouver dans la même bataille et s'accorder sur un objectif immédiat sans pour autant poursuivre les mêmes objectifs globaux. On peut alors partager une tactique dans ce contexte donné en restant en désaccord sur la stratégie politique à long terme. Dans une même action, une même manifestation, une même grève, une même occupation, ou dans un même espace, une ZAD, un lieu d'éducation populaire, on retrouve d'ailleurs des militants et des militantes et des collectifs qui n'ont pas les mêmes visions stratégiques à long terme et pas les mêmes objectifs. En d'autres termes, on peut avoir des objectifs proches mais une vision différente sur les moyens pour les atteindre, donc une vision stratégique différente. Même si parfois, en creusant un peu, on se rend compte que les objectifs ne sont pas toujours si proches qu'on le pensait. On peut s'investir dans une tactique commune sans avoir la même stratégie globale, ni d'ailleurs les mêmes objectifs. Front de lutte commun, par exemple, à l'échelle locale, ou contre une même réforme, etc. Et une même stratégie peut articuler différentes tactiques et modes d'action selon les contextes. En quoi tout cela alimente notre réflexion sur la complémentarité des tactiques? Parce que ce sont des points de repère pour penser les échelles différentes dans les luttes et quels enjeux il y a dans les désaccords ou dans les alliances possibles selon ces échelles. Diversité des tactiques et divergence idéologique. Lorsqu'il y a accord autour d'une stratégie, que ce soit au sein du même collectif ou entre des collectifs avec des objectifs très proches, et que ces différentes tactiques sont alors investies selon les contextes, il me semble qu'on peut effectivement considérer qu'elles sont complémentaires. Différents moyens à court terme, mais une stratégie commune vers un même objectif. Celle-ci a été pensée, pesée, et prend même peut-être en compte cette diversité possible de tactiques. Lorsque, dans une même bataille, différentes tactiques coexistent, c'est par contre nettement moins clair. Dans un tel contexte, on entend souvent parler de complémentarité des tactiques ou modes d'action comme un appel à la tolérance d'une certaine diversité. Black bloc et cortèges syndicaux, rassemblements pacifiques entre guillemets et actions directes de casse et de sabotage, pour en citer que quelques-uns. Mais pas grand-chose ne nous dit si cette diversité débouche sur une complémentarité. S'il y a juste une vague coexistence en limitant comme on peut les tensions. Ou s'il y a des incompatibilités et des frictions. À moins de considérer que tout s'équilibrerait harmonieusement, naturellement, indépendamment des volontés de chacun chacune, et que nous aurions toujours intérêt à cette diversité malgré nos désaccords. Ce serait merveilleux, mais je ne vois pas trop d'éléments pour étayer cette hypothèse. En effet, non seulement la complémentarité des tactiques ne va pas de soi, mais il arrive qu'on considère des choix tactiques et des modes d'action comme néfastes, parce qu'ils en empêchent d'autres et vont à l'encontre de notre projet politique et de la stratégie qui le porte. Par exemple, lorsque ces choix ne nous semblent pas adaptés à l'état du rapport de force et au nombre de personnes mobilisées, ou lorsqu'ils nous semblent exclure une partie de la population, ou plus généralement, plus simplement, lorsqu'il nous semble relever d'une mauvaise compréhension des dynamiques politiques et qu'il nous apparaisse comme une perte d'énergie dommageable. Exemple. Prenons une situation où, lors d'un mouvement social contre une réforme, des étudiants et étudiantes mobilisés cherchent à agir en mobilisant d'autres étudiants et étudiantes pour que le mouvement gagne leur université et qu'un rapport de force s'y instaure. Malheureusement, dans notre exemple, cette université n'est pas extrêmement politisée, le climat politique de la région est hostile, droite, extrême droite, et aucun syndicat ou groupe politique étudiant de gauche n'a réussi à s'implanter durablement. La plupart des étudiants et des étudiantes n'ont qu'une vague idée des revendications et de l'enjeu de la réforme, et il y a difficilement plus d'une vingtaine d'étudiants et étudiantes réellement mobilisés. Dans cette situation, différents objectifs peuvent se dessiner et différents choix tactiques peuvent être pris. La priorité peut être donnée à l'information et à la sensibilisation, et ou au fait de convaincre un maximum d'étudiants et d'étudiantes de venir manifester. Mais selon les modes d'organisation et les enjeux à court terme, en particulier si les discussions sont difficiles et stériles, il peut être tentant d'abandonner ce travail de politisation et de chercher à agir dans ce petit noyau de 15 personnes, en multipliant les actions visibles, ou encore en essayant de s'allier avec des groupes extérieurs pour bloquer l'université et faire pression. Dans une telle situation, certains choix tactiques peuvent s'articuler, mais seulement jusqu'à un certain point. En effet, chercher en petits groupes à passer en force, à provoquer l'arrêt des cours, est susceptible de créer de la rancœur chez l'ensemble des autres étudiants et étudiantes et ne va pas faciliter les discussions par la suite. La répression aussi peut être dure et ciblée et entraîner des mesures drastiques et des prémices du prochain mouvement. Dès les prémices du prochain mouvement. Mais on peut aussi se dire que les réactions étaient si négatives que c'était de toute façon perdu d'avance à court terme et qu'il fallait bien faire quelque chose. Peut-être que cette période d'action en groupe restreint va aussi déboucher sur autre chose, la création d'un nouveau syndicat étudiant ou d'un groupe de lutte afin de mener un travail de fond au sein de l'université les années suivantes. Il est difficile de dire d'emblée quel est le bon choix tactique. En revanche, ces choix ont des conséquences, certains modes d'action en bloquent d'autres, tout ne se complète pas. Si les choix tactiques s'évaluent en fonction du contexte, le positionnement idéologique et les objectifs associés pèsent forcément. Dans l'exemple que j'ai donné d'un mouvement étudiant, on repère assez vite cette diversité idéologique. Pour être très schématique et un peu caricatural, les étudiants et les étudiantes membres de syndicats ou de partis réformistes, l'UNEF, le MJS quand ça existait vraiment, Génération, vont en général être plus frileux à l'idée de bloquer ou d'entraver le fonctionnement de l'université en étant une toute petite minorité. Des étudiants et étudiantes proches de mouvements autonomes vont davantage chercher à radicaliser tout de suite l'action. Mais pas toujours. Le mouvement autonome est très diversifié. Et des militants et militantes communistes et ou anarchistes vont défendre le fait de discuter plus longuement avec les étudiants et étudiantes, de maintenir une présence quotidienne, etc., etc. Fin de l'exemple. Ainsi, dans les luttes écologistes, si l'objectif est d'influencer les politiques publiques et de s'adresser aux gouvernants pour imposer un changement social venant à la fois de la base et des institutions, ONG, dans une certaine mesure, les collectifs écolos comme Extinction Rebellion, il va y avoir des incompatibilités avec les mouvements révolutionnaires anticapitalistes, même si on retrouve souvent des militants et militantes des différents collectifs dans des luttes locales. Dans le premier cas, il subsiste l'idée de garder une forme de respectabilité, en tout cas une bonne image médiatique, et la lutte est pensée en fonction de cette image donnée au public et aux institutions. Dans le second cas, il y a en général l'idée de s'organiser sur la base d'intérêts communs, qui sont des intérêts de classe, et les institutions bourgeoises ne sont certainement pas l'interlocuteur. Est-ce que ces stratégies et tactiques peuvent être investies en parallèle? Oui, dans les faits, elles coexistent, mais est-ce qu'elles sont complémentaires? Je ne crois pas. D'autant que, comme je l'ai évoqué plus haut, les objectifs eux-mêmes diffèrent. Bref, vous avez compris, ce qui peut s'articuler ou non, coexister ou non, se compléter ou non, cela s'évalue à la fois en fonction du contexte et en fonction des ancrages idéologiques et stratégiques des uns, des unes et des autres. Les désaccords seront plus ou moins forts selon les contextes et selon l'échelle d'action. Parfois, des compromis seront possibles, parfois moins. La complémentarité à toutes les sauces. Ce faisant, à partir du constat de la diversité des modes d'action, la complémentarité est mise à toutes les sauces, dans une tentative parfois artificielle de donner du sens à une hétérogénéité dont on ne sait pas toujours quoi faire. Deux exemples régulièrement observés. D'une part, les discussions autour de la non-violence, débouchant sur des affirmations de type « Il y a de la place pour tout le monde, nous sommes complémentaires malgré nos désaccords, etc. » C'est un discours tenu de la part d'associations ou de groupes qui vont reconnaître partiellement la légitimité des critiques tout en appelant à une forme de coexistence pacifique et à l'acceptation des désaccords, etc. Le problème, c'est que les désaccords ne restent pas bloqués dans le monde des idées. Les actions politiques ont des conséquences sur les autres, individus et collectifs. Et lorsque de telles conséquences sont pointées, C'est plus que dommage de botter en touche en présentant les mouvements sociaux comme un vaste espace qu'on pourrait découper et se répartir en faisant chacun notre tambouille. Il semble plus fructueux de chercher à comprendre ces désaccords, d'où ils viennent, divergences idéologiques, composition sociologique des mouvements, etc., et d'identifier ce qui ne sera jamais réconciliable, et dans quels espaces, au contraire, des rencontres sont possibles. Une illustration parlante là-dessus, c'est bien sûr l'émergence de Extinction Rebellion et son principe non violent. Celui-ci a entraîné de nombreuses critiques à la suite des premières actions du collectif en France, très médiatisées. Ainsi, une lettre aux militants et militantes de Extinction Rebellion est parvenue en octobre 2019. Petit aparté, je crois que je l'avais lu sur notre lecture de Caracol. Signée par plusieurs collectifs, elle pointe notamment la violence sociale à l'œuvre dans cette rhétorique non violente. Face à une interpellation de ce type, on ne peut pas se contenter de dire « c'est complémentaire » ou « on n'interdit pas aux autres de faire autrement ». Si on choisit de s'investir dans un mode d'action, c'est un choix qui doit dépasser le seul confort individuel. Il doit être justifié politiquement. C'est en l'occurrence ce que tente de faire Extinction Rebellion, qui défend en fait l'efficacité de la désobéissance non violente sur la base d'observations historiques. Celles-ci sont par ailleurs très contestables, comme le rappelle cet article qui était paru dans Mediapart. Violence versus non-violence, le débat revient en force. Donc ça a retrouvé sur Mediapart, il y a le lien dans le texte. Et qui dit œuvrer donc à rendre ces actions plus inclusives. Donc on parle toujours de Extinction Rebellion. Ceci dit, si j'ai pris l'exemple d'Extinction Rebellion, j'aurais aussi pu prendre à l'inverse des tactiques émeutières et de guérilla urbaine, en manifestation notamment, dont les tenants argumentent parfois eux aussi qu'elles sont complémentaires des grèves, des actions de solidarité directe, etc., sans toujours justifier où réside la complémentarité, et alors même que ces tactiques, elles aussi, ont des conséquences sur la dynamique de la manifestation, sur les autres modes d'action possibles, etc. Deuxième cas, l'application de cette supposée complémentarité aux différents choix individuels dans le débat sur les petits gestes et le mode de vie. J'en ai parlé, donc l'autrice en a parlé sur son blog, dans un article du 21 janvier 2018, voté avec son portefeuille des limites de la consommation éthique. Donc c'est à retrouver sur le blog dans la nébuleuse.fr. Donc, elle en avait parlé dans cet article, sur la consommation éthique, puis dans un autre article paru le 24 juillet 2019, et c'était 15 pistes pour s'engager au-delà des gestes individuels, pareil à retrouver sur danslanébuleuse.fr. Avec des pistes donc pour politiser son engagement. Le choix de s'en tenir à la consommation et à des changements de mode de vie va pouvoir être justifié par des préférences personnelles qui n'ont pas à être interrogées puisque chacun fait ce qui lui parle le plus, les autres peuvent toujours faire autre chose, ce sera ok aussi. C'est très récurrent dans les réseaux écolos portés sur la consommation éthique, le zéro déchet, le colibrisme et en particulier, me semble-t-il, en ligne sur les réseaux sociaux. Or, ce discours de la complémentarité, appliqué aux gestes de consommation, revient à déléguer commodément le militantisme politique à d'autres. Comme si c'était une question de goût. Certaines personnes, leur truc, ce serait la lutte collective, les autres, la fabrication de savon maison. Si la rhétorique des petits gestes est violente en soi, revendiquer un engagement en fonction de ce qui nous fait plaisir et correspond aussi à notre classe sociale, c'est tout aussi problématique. Je ne parle pas là des difficultés réelles qui peuvent être des freins à l'action collective, mais bien d'établir comme principe qu'il y a des gens pas portés sur l'action collective et d'autres si, et que si ça peut se compléter. J'ai même eu quelquefois des interactions avec des personnes qui reconnaissaient que l'action collective était importante, mais elles n'avaient pas envie, ce n'était pas leur voie. Il me semble au passage que cela correspond à un imaginaire du militantisme comme investissement permanent de l'action de terrain, de l'affrontement, de l'illégalité même. Alors que les façons de s'engager aux côtés de groupes politiques sont multiples. J'aurai l'occasion de reparler de ça sur Instagram et peut-être sur ce blog. Avec ce second exemple, il y a un glissement. On ne parle plus seulement de tactique dans le cadre de mouvements sociaux, on passe à une affirmation de principe selon laquelle tout serait bon à prendre. Les raisons sont diverses. Pas envie de décourager les bonnes volontés, pas envie d'opposer ou de diviser, espoir dans l'agrégation de toutes les petites et grandes actions à toutes les échelles, le colibrisme. Cependant, c'est différent d'encourager à essayer, tâtonner, quitte à changer d'avis, et de renvoyer dos à dos tout choix d'engagement, qu'une critique n'étant alors recevable. Sur un réseau social comme Instagram, où les comptes autour de l'écologie et des petits gestes et de la consommation éthique sont très présents, j'imagine que cela peut aussi s'expliquer par le souci d'éviter le conflit. Parfois, en réalité, on pense qu'il y a de meilleurs choix, et on a des raisons de défendre les nôtres, mais par souci de ne pas froisser ou s'éviter des échanges pénibles, on préfère en rester en déclaration irénique. Tout ira bien, on est ensemble, rien ne se contredit. Poussé jusqu'au bout et sans réflexion stratégique globale, qu'est-ce qui s'articule, comment, dans quel but, c'est donc une logique relativiste. Tout choix aurait sa place, tout pourrait coexister, il suffirait de choisir ce qui nous attire là-dedans, l'essentiel étant de faire quelque chose. Cela affaiblit les discussions stratégiques et empêche les évolutions nécessaires en désamorçant systématiquement toute critique. Nous comprenons ces critiques, mais nos tactiques sont complémentaires. Fin de discussion. En bref, c'est une logique qui nous réduit à l'impuissance. Solidaires mais critiques, assumons nos désaccords. Un bien long article, quelle surprise, alors que je voulais juste dire à la base, attention, rien n'est complémentaire d'emblée, tentons d'analyser sérieusement les choix tactiques des uns et des unes et des autres avant de servir le discours tout près de la complémentarité. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Peut-être des pistes de réflexion sur la place de la critique dans nos mouvements, dans nos milieux militants. Face à des formes de violence qui nous éprouvent au sein de ces espaces, dont certaines sont exacerbées par les réseaux sociaux, on les regroupe parfois par simplification sous la notion de « cancel culture », comme le rappelle Sophie du blog « Tout est politique » dans un article récent. Ces aspects sont aussi soulignés dans un autre article sur expansif.info « Quelle culture féministe voulons-nous pour un nouveau code féministe ?» La tentation peut exister de se réfugier dans une absence de critique et de jugement, ou alors, du bout des lèvres. Parce qu'on ne veut pas rajouter l'attention aux interactions déjà tendues, parce qu'on a peur des réactions tout aussi simplement. L'idée d'une complémentarité des tactiques, des formes d'engagement, des approches idéologiques même, est alors très séduisante. Mais c'est tout simplement paralysant, vu qu'on se prive d'identifier des points faibles, des dérives, et donc des manières de renforcer nos luttes. La réponse ne peut pas se trouver dans le renoncement à toute critique politique, quand bien même celles-ci sont parfois mal accueillies par un certain nombre de personnes. Je pense par exemple à la critique du déconstructionnisme exprimé dans le post, qui est un post Instagram, donc je ne peux pas vous le dire, faudra aller cliquer sur le lien dans l'article, et dont on a pas mal discuté sur Instagram, du coup, ces dernières semaines. Je vais quand même cliquer dessus pour voir de quoi il retourne. Vite fait, je vous promets, je reprends la lecture tout de suite, tant que ça s'affiche. Bon, ben en fait, c'est un truc un peu long, publié par Amador Maldoror le 2 avril, donc ça remonte un peu, que je vais évidemment pas vous lire maintenant, mais bon, ben, vous trouverez en cliquant sur l'article de la nébuleuse, ça sera plus simple. Et donc, le propos en question me semble particulièrement important, mais il est clair qu'il ne fait pas l'unanimité. C'est probablement même, au contraire, en prenant à bras le corps la nécessité de cette auto, entre guillemets, entre parenthèses plutôt, autocritique, la nécessité d'identifier nos limites, nos insuffisances, qu'on pourra dépasser ces problèmes. Formuler une critique politique, lorsque cela concerne des groupes et des personnes dont on se sent un minimum solidaire, ce n'est pas fatalement une forme de violence, une attaque personnelle ou un manque de respect. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Exprimer une critique constructive sans édulcorer son propos, mais sans participer à des dynamiques violentes. Je précise que je parle bien de critiques stratégiques et ou idéologiques. C'est les questions d'ennemis politiques directs, de personnes qui nous dominent directement, on ne va pas faire dans la dentelle. À titre personnel, lorsque je partage une réflexion critique, quoique ce soit rarement la mienne propre et plus souvent le fruit de réflexions collectives, on ne pense jamais seul. J'essaye de penser à la raison de mon partage. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que ça va apporter? Si je le fais, c'est que j'ai considéré que cela participe à une réflexion de fond, à la clarification de perspectives de lutte. Que veut-on? Comment s'organise-t-on pour cela? Qu'est-ce qui est susceptible de nous freiner? C'est parce que je suis animée par ces préoccupations que je finis par partager ces critiques, mais j'essaie de ne pas le faire en pointant du doigt une personne en particulier, surtout que les militants et militantes s'en prennent suffisamment dans la tronche. Donc, je pèse soigneusement ce choix, mais je n'hésite plus à le faire lorsque je suis convaincue. Ce qui ne m'empêche pas d'être solidaire de groupes et de personnes avec lesquelles je suis en désaccord, lorsqu'elles subissent des répressions, du harcèlement, etc. Il y a bien des critiques que j'aurais aimé entendre plus tôt. Et si j'en crois les retours que j'ai régulièrement sur Instagram, je ne suis pas la seule. À titre d'exemple, en relisant mon article de début 2018 sur les limites de la consommation éthique, je me suis trouvée extrêmement tiède et trop conciliante, car je ne voulais pas blesser, etc. J'étais donc à la limite de ce discours sur la complémentarité. Ce n'est pas que les petits gestes sont inutiles, c'est juste qu'ils ne suffisent pas, mais c'est déjà bien. Or, entre-temps, j'ai été confrontée à des discours nettement plus sévères, mais aussi plus justes de mon point de vue, qui pointaient la violence de classe, de ces rhétoriques de la consommation. Si je n'osais pas en tirer des conclusions, c'est que j'étais dans un environnement social qui me confortait dans cette approche de la complémentarité, et parce que je ne vivais pas moi-même cette violence de classe. J'ai une pensée reconnaissante pour les personnes qui m'ont mis le nez là-dedans et m'ont permis d'avancer. J'ai d'ailleurs un peu modifié cet article au passage. En bref, si des choix tactiques, des modes d'action et d'engagement nous semblent des impasses, nous semblent affaiblir nos mouvements, aucun principe abstrait de la complémentarité ne devrait nous obliger à taire nos critiques. Si, en revanche, la diversité dans les tactiques ou dans les modes d'action nous semble relever d'une complémentarité bénéfique, alors il faut penser cette complémentarité, la justifier et peut-être même l'organiser. Mais ne nous arrêtons pas par commodité à des discours tout prêts sur une complémentarité abstraite. Voilà, c'est donc un texte de La Nébuleuse qui est paru en ce mois d'août 2020 et que j'ai trouvé, je l'avais juste sur le volet, mais je trouvais qu'il abordait des réflexions et surtout une conclusion plutôt importante sur la notion de... personnellement, je me permets une petite position personnelle. Ce qui m'intéresse le plus, c'est justement le passage sur comment apprendre à articuler nos critiques politiques sans retirer de l'énergie ni à nous-mêmes, parce que ça demande un peu d'énergie, ça, ni aux autres personnes qui ont envie d'être en lutte ou qui luttent. Et comment réussir à articuler tout ça. Voilà. En tout cas, effectivement, être systématiquement allié d'office à des autres stratégies, c'est un mot que j'aime pas du tout, mais je comprends, c'est effectivement à questionner. Eh bien, à bientôt, peut-être dans les luttes, peut-être dans les rues, peut-être ailleurs, ou pas.